On avait laissé les Smashing en 2020 avec le fabuleux Witch issu de Seer, 10e album de Billy Corgan, qui dans ses délires rock sort en 2023 son nouveau concept d'opéra rock dont le premier acte est sorti en ce début d'année et duquel j'extrais Beyond the Veil, les fans de la première heure n'aimeront peut-être pas. Tant pis pour eux. Ok. Mais les Smashing Pumpkins seront à jamais parmi les meilleurs, notamment grâce à ça. Yeah. enchanted in the rapture of his sentimental sway. But underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead. Ce pop and rock sur la trail locale RVR sera rempli de nouveautés estampillées 2023, car tout de suite, nous partons à la découverte du nouvel album de We Are Scientists avec la piste 1 de leur album Lobs. I could foresee it from a mile away, this whole oncoming disaster. You think it's bad now, oh man, why don't you wait? You won't believe it comes after. It's all a game of confidence. Cut the shit, enough of this. Do you believe me? Don't pretend to tell it all. This is your confidence. If you can't keep a secret, just keep quiet. We Are Scientists, drôle de pseudo pour un groupe ricain, sauf si ce sont des potes du Tommy, pas le Lee, juste le Cruz. Dans le doute, je vous envoie un second titre du nouvel album de We Are Scientists, juste histoire que vous vous fassiez votre idée. I'll make it. Bon, je ne sais pas si We Are Scientists reviendra dans Pop and Rock, parce que côté scientiste, je préfère grandement les Guided by Voices. Rappelez-vous. Comme promis au début de ce Pop and Rock, ce soir on est allé du côté des nouveautés et The Murder Capital qui arrive vient de sortir son second album. Et si je vous dis qu'ils sont irlandais et qu'ils font du rock, vous allez déjà imaginer ce qu'ils jouent et pourtant vous serez peut-être surpris. I had to realign to begin to survive. I gaze to the satellites, no spare change in promise. Aim right between the eyes, you take the shot. Surtout ne partez pas, nous allons écouter un second titre issu de l'album très inégal des Irlandais de The Murder Capital. I always wanted it to be like this for us, strung out on love, alive in the city, pulling triggers like the fashion was a loaded gun, my head in the crosshair, brain of the chosen one. 10 pages of her favorite book, alright. Leave on the light, and I'm feeling the evening with her blue-eyed soul. I'm her shield, but I can't quite make it out. I can't quite make it out. I'm getting it tight, tight, tight. I'm getting it tight, tight, tight. I'm getting it tight from life, and I can't control it. 10 steps to your favorite bar tonight. Bags on side, flirting. Sinon, côté irlandais, il y a aussi les prolifiques dublinois des Fontaines D.C. qui, en 2022, nous offraient Skintifia, dont je ressors ce soir Jackie Down the Line. Oh, sérieux, travaille ton accent. Écoute, je te promets, je fais vraiment ce que je peux, hein. Got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise?

and she defines the only reason for feeling. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. She defines the only answer. Et là, j'entends déjà ma frangine devant son Mac au turbin, casque sur les oreilles, se disant « Y'a pas beaucoup de filles dans ce pop and rock !» Ma sœur, je t'ai entendu. Mais sérieux, en plus, t'imites super mal ta sœur. Eh ouais. I'll let it just N'oubliez pas, pour retrouver tous les artistes pop and rockiens, foncez sur notre page Facebook Pop and Rock, les petits enfants du rock. Merci la voix off. Là maintenant, c'est ma Nida que j'entends du fin fond de son wagon en partance pour la grande métropole rhodanienne qui se dit « Et là, le chat, il va programmer la Juliette. » Eh ben non ! If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring. Till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. Eh ben si. We'll be right back.

all would be prettier.